အရှိမနီမတီဘဲနဲ့တည်သွားကြတာပဲလို့သူတို့ကအဲ့ဒါတက္ကမင်းတို့ထဲကျသွားတာပဲပေါ့လေအဲ့ဒီအောင်ပြောခဲ့ပြီပေါ့ Tiaro is revising the yesterday last part. So he said, so we have finished with the door bolt. Door bolt is the ignorance awaja. Sayado rappelle qu'hier nous avons parlé de la barre de bois qui symbolise l'ignorance, et nous avons terminé l'explication à ce propos. Le prince Siddhartha était donc devenu un Bouddha, parfaitement illuminé par lui-même, et après avoir passé 49 jours en extase, il se mit à chercher des êtres à qui présenter son premier enseignement. Il avait vu avec son œil divin que ses deux professeurs, Alara et Udaka, étaient morts quelques jours avant son illumination. Et ils avaient repris naissance dans les plans immatériels, Arupa Brahma Loka. Ils avaient donc perdu une opportunité extrêmement rare d'entendre l'enseignement d'un Bouddha. Dans ce plan immatériel, les êtres n'ont pas de corps, ils n'ont qu'un esprit. Ils n'ont pas d'oreilles pour entendre l'enseignement d'un Bouddha et ils n'ont pas d'yeux pour le voir. Ils avaient raté de peu l'occasion d'entendre les instructions du Bouddha et donc la méthode correcte de méditation. Le bâton de bois bloque la porte, elle la verrouille. Il est impossible que cette porte ne s'ouvre. La pratique correcte est inaccessible. Nous sommes nés dans l'époque du Bouddha Gautama qui nous a donné la méthode correcte pour atteindre la libération. Il est donc possible pour nous d'avoir accès à ces enseignements. Il faut que nous nous mettions à la pratique avant que la mort ne nous surprenne. Cette mort peut en effet arriver à n'importe quel moment. Par son enseignement, le Bouddha a ouvert la porte et c'est à nous de maintenir cette porte ouverte. Nous devons éviter que cette porte ne se referme et pour cela, nous devons mettre en application les instructions du Bouddha. Nous devons essayer de méditer le plus possible en appliquant ces instructions. Tout ceci faisait l'objet de l'enseignement d'hier. Le Brahma, le bon professeur, demanda alors à l'élève exceptionnel de continuer à creuser la fourmilière et de maintenir ainsi la porte déverrouillée. Nous aussi, nous devons pratiquer le plus possible de façon à maintenir la porte de la connaissance ouverte. Nous devrons être attentifs à tout ce qui se manifeste de façon prédominante à chaque instant. C'est de cette façon que nous réussirons à maintenir la porte ouverte. Le bâton de bois avait donc été évacué. Et le Brahma demanda à son élève de continuer à creuser. L'élève continua à creuser et il trouva un crapaud. Et chaque fois qu'il touchait ce crapaud, il gonflait. Le crapaud s'enflait. Ce crapaud était appelé Udumayika. C'était un crapaud qui, au départ, était relativement petit, mais une fois qu'on le touchait, il se mettait à grossir. Ce crapaud, qui grossissait chaque fois qu'on le touchait, symbolise la colère. La colère gonfle également, devient de plus en plus envahissante si on n'y met pas fin. Quand la colère apparaît-elle? Elle apparaît lorsqu'il y a un contact visuel désagréable ou bien un contact par l'oreille qui est désagréable, un contact par le nez, un contact par la bouche, un contact par le corps ou un contact par l'esprit. Si ces contacts sensoriels sont désagréables, la colère va se manifester. Si on nous injurie, par exemple, nous allons nous fâcher. Mais au départ, cette colère n'est pas très envahissante dans l'esprit. Mais si ces injures nous parviennent une deuxième fois, elle aura un effet sur notre visage d'abord, qui va devenir vilain. Notre visage reflète la colère. Et si ces injures sont encore prononcées et que nous les entendons encore une fois, c'est le corps tout entier qui va s'imprégner de cette colère. Cette colère va amener d'abord un comportement physique agressif et ensuite un comportement vocal agressif également. Nous pourrions par exemple agresser quelqu'un. Il y a donc au départ une colère relativement modeste qui apparaît dans l'esprit à cause des contacts sensoriels désagréables ou à cause d'une injure. Si cette injure se répète, le visage va refléter la colère. Donc cette colère qui était présente de façon modeste dans l'esprit devient plus évidente et se marque sur le visage. Et si les injures sont encore une fois entendues, c'est le corps tout entier qui va devenir imprégné de cette colère. Si l'injure est encore répétée, c'est le comportement physique et le comportement verbal qui vont refléter cette colère. Nous serons peut-être amenés à agresser quelqu'un physiquement ou à l'injurier. Et si ces actes physiques et vocaux ont été prononcés, c'est parce qu'il y avait dans l'esprit une colère déjà très développée. Ceci est symbolisé par le crapaud qui s'enfle au fur et à mesure qu'on le touche. Et c'est souvent entre amis qu'apparaissent les disputes. On compare cela à la langue et aux dents qui sont très proches l'une de l'autre dans la bouche. Et bien souvent, la langue est mordue par les dents. De la même façon, des amis proches vont souvent se disputer. Il arrive bien souvent que des voisins, des personnes qui appartiennent au même groupe d'amis, des membres d'une même famille, se disputent. Et tout ceci est dû à la colère qui n'a pas été contrôlée. Au niveau des pays, c'est la même chose. Les querelles sont toujours dues à des malentendus, des esprits en colère qui n'ont pas été contrôlés. Ces pensées de colère doivent donc être contrôlées pour ne pas donner lieu à des actions physiques et vocales agressives. Il faut tout simplement prendre conscience que la colère est dans l'esprit au moment où elle est apparue dans l'esprit. De cette façon, la réaction physique ou vocale ne pourra pas avoir lieu. Le crapaud symbolise cette colère qui grandit si elle n'est pas contrôlée. Le Brahma avait demandé à son élève d'évacuer le crapaud. Ce qui veut dire, pour nous, que nous devons essayer de contrôler cet esprit en colère en le contemplant. Nous devons donc apprendre à nous montrer tolérants les uns avec les autres. Dans une même famille, au bureau, dans la société en général, il faut essayer de ne pas utiliser la colère. Il faut également prendre l'habitude d'aider les autres, de leur venir en aide en cas de besoin. Il ne faut donc pas accepter la colère, il faut lui opposer la patience. Et il faudra également pratiquer l'attention sage pour gérer correctement les situations. Le professeur demanda donc à son élève d'évacuer le crapaud enflé et de continuer à creuser. L'élève continua à creuser et il tomba sur une bifurcation. Il dit au professeur qu'il avait trouvé une bifurcation et le professeur, le Brahma, lui demanda de retirer cette bifurcation. Une bifurcation, c'est l'endroit où la route va se diviser en deux. Dans ce contexte, la bifurcation symbolise le doute sceptique, visikicha. Lorsqu'on se retrouve face à une bifurcation, on hésite. Quel chemin prendre? Donc cette bifurcation symbolise le doute qui s'installe dans l'esprit du voyageur. Lorsqu'un voyageur emmène avec lui des biens précieux, comme des bijoux, de l'argent, il devra faire attention à ne pas se faire voler. Lorsque ce voyageur se retrouve donc devant une bifurcation, il devra choisir le chemin qui présente le moins de danger, car il est suivi et il est possible que ce soit des voleurs. Et c'est la même chose pour le méditant. Il pratique et à un moment, il se retrouve face à une difficulté. C'est comme le voyageur qui se retrouve face à la bifurcation. Ce méditant ne sait plus comment procéder. Le doute s'est installé dans son esprit et ce méditant doit alors essayer de noter ce doute. Il est très fréquent que le doute se manifeste dans l'esprit des méditants. C'est presque inévitable. Il est important que s'il constate que le doute est en lui, le méditant l'évacue en le notant, en le prenant comme objet d'attention. C'est important. Comment le méditant va-t-il procéder pour évacuer ce doute? Il devra travailler de façon diligente, être toujours sur le qui-vive et noter tout ce qui se manifeste à chaque instant. Nous avons déjà parlé précédemment des quatre fondements de l'attention. Le premier, c'était la contemplation du corps. Tous les comportements du corps, les activités physiques devront être observés avec attention. Lorsque vous marchez, vous notez « marcher, marcher ». Lorsque vous vous penchez, « se pencher, se pencher ». Lorsque vous effectuez le moindre petit mouvement, vous devez en prendre conscience et le noter. Si c'est l'objet primaire que vous observez, chaque fois que vous ressentez le mouvement de soulèvement, vous devez noter soulèvement, soulèvement. Chaque fois que vous ressentez le mouvement d'abaissement, vous notez abaissement, abaissement. Tout ceci, c'est donc Kayanupassana, la contemplation du corps. Et si vous avez des phénomènes mentaux qui se manifestent, comme par exemple des pensées, des imaginations, des projets d'avenir, des analyses, etc., tous ces états d'esprit, toutes ces pensées doivent être notées au moment même où elles se manifestent en vous. Si vous ne notez pas ces choses, il est inévitable que les kilesas, les pollutions mentales, s'introduisent dans votre esprit. Notez ainsi les phénomènes mentaux, c'est Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Le doute est un état d'esprit. Et donc, s'il se manifeste en vous, la seule chose à faire, c'est d'en prendre conscience objectivement, de le noter. Si vous omettez de noter tous ces états d'esprit, toutes ces pensées, ces analyses, ces réflexions, ces projets d'avenir, ces souvenirs, si vous omettez de noter tous ces phénomènes, votre pratique n'est pas correcte. Et de plus, les kilesas vont pénétrer dans votre esprit. Donc, il est nécessaire que vous appreniez à noter tous ces phénomènes mentaux. Vous devez essayer de maintenir votre attention sans interruption sur les mouvements de l'abdomen et de les observer de façon très pénétrante, très concentrée. Ainsi, vous pourrez voir arriver les états d'esprit très facilement et immédiatement. Si vous pensez, vous devez tout de suite noter « penser ». Pensez. Si vous imaginez, imaginez, imaginez. Si vous réfléchissez, réfléchir, réfléchir. Tout ceci, c'est Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Nous avons donc vu jusqu'à présent deux fondements de l'attention, le corps physique et l'esprit. Il y aura également des ressentis. Vous pouvez avoir des ressentis agréables ou bien des ressentis désagréables, quels qu'ils soient, vous devez les noter. Ces ressentis peuvent être des phénomènes physiques ou des phénomènes mentaux. Si vous avez de la tristesse, par exemple, vous ressentez ça comme désagréable et vous devez noter ce ressenti. Vous pratiquez alors Vedananupassana, la contemplation des ressentis. Certains yogis ne font pas preuve de patience avec les sensations désagréables. Lorsqu'ils ressentent des douleurs quelque part dans le corps, ils ont tendance à changer trop vite de posture. Ils ne se déterminent pas à observer cette sensation désagréable de façon pénétrante et sans changer de posture. Ceci, ce n'est pas la bonne attitude. Le méditant doit se montrer patient et observer attentivement la douleur. S'il ne le fait pas, il ne réussira pas à développer ni son attention ni sa concentration. C'est comme si on se laissait battre par les kilesas, les pollutions mentales. Les pollutions mentales remportent une victoire sur nous. Notez les ressentis, c'est Vedananupassana. Et bien enfin, le dernier fondement de l'attention, Dhammanupassana. Il s'agit ici de noter les contacts sensoriels. Dès que quelque chose pénètre en vous, que ce soit par l'œil, par l'oreille, par le nez, par la bouche ou par le corps, vous devez en être conscient. Notez ainsi tous les contacts sensoriels. C'est pratiquer Dhammanupassana, on dit parfois la contemplation des objets mentaux. Il est important de noter tous ces contacts sensoriels. Lorsque vous voyez, que vous entendez, que vous sentez, que vous goûtez ou que vous touchez, tout cela doit être noté. C'est de cette façon que vous allez empêcher l'apparition des kilesas, des pollutions mentales, en notant sans interruption. Il arrive parfois que le yogi ait une expérience qui fasse apparaître le doute dans son esprit. Il se met alors à réfléchir à propos de cette expérience et en conclut qu'il doit être très avancé dans sa pratique. Mais il faut éviter de réfléchir ainsi à ses expériences et de conclure par soi-même qu'on aurait atteint tel ou tel stade. Il suffit simplement de noter de façon objective et précise cet état d'esprit. C'est une forme de doute qui doit être notée. Nous devons l'évacuer par l'attention et revenir alors au mouvement de l'abdomen. Nous devons éviter de réfléchir à nos expériences. Il faut simplement noter. Ceci était donc la 10e énigme. La suivante, c'était la bêche. La bêche symbolise le fait de creuser, le fait de fournir un effort pour creuser. Cet effort est de quatre types et est appelé Samapadam Viriya. C'est l'effort de creuser. Vient ensuite la barre de bois qui symbolise l'ignorance. L'ignorance à propos de quoi? À propos de la méthode correcte. On ne sait pas comment pratiquer correctement. Le crapaud représente la colère qu'il faudra évacuer de l'esprit par la contemplation. Et enfin, la bifurcation qui symbolise le doute. Si nous sommes pris par le doute, il doit être également évacué de l'esprit par la contemplation. Il faut noter ce doute. Nous en avons ainsi terminé avec les 10 premières énigmes. Lorsque l'élève se fut débarrassé de la bifurcation, le professeur lui demanda de continuer à creuser. L'élève continua donc à creuser, trouva un filtre à eau. Le terme filtre à eau symbolise les cinq empêchements, les cinq nivaranas. Le filtre à eau constitue donc la onzième énigme. Dans les temps anciens, on utilisait des filtres à eau, c'est-à-dire une pièce de gaz dans laquelle on versait un liquide afin de se débarrasser des particules en suspension. Si on voulait du savon, il fallait filtrer soigneusement cette eau savonneuse et récolter les particules très fines de pur savon. Elles allaient servir à laver des vêtements très délicats. Un méditant qui pratique avec l'un ou l'autre des cinq empêchements en lui ne pourra pas retenir les énergies pures que constituent samadhi et panya. Sa méditation risque d'être infructueuse. L'eau va donc passer à travers le filtre. Ce filtre représente les cinq empêchements. Transposé dans le domaine de la pratique, quelqu'un qui essaye de méditer avec l'un ou l'autre des cinq empêchements en lui ne réussira pas à établir son samadhi, il ne pourra pas faire la part des choses entre ce qui est positif et ce qui est négatif, sa pratique sera contaminée. Pour ce qui est de la moralité, elle ne sera pas affectée par les cinq empêchements. La générosité non plus n'est pas affectée par les cinq empêchements. Si vous pratiquez les préceptes moraux, la présence des cinq empêchements dans votre esprit ne sera pas un problème, un obstacle au développement des mérites liés à cette pratique. Les mérites liés à la pratique du don, de la générosité, ne seront pas non plus affectés par la présence des cinq empêchements au moment où vous donnez. Ce que ces cinq empêchements vont par contre contaminer, c'est le groupe de la concentration et le groupe de la sagesse, samadhi et panya. Les cinq empêchements empêchent le développement des mérites liés à la pratique de samadhi, la concentration, et à la pratique de panya, la sagesse. Nous devons donc être très prudents avec ces cinq empêchements lorsqu'ils se manifesteront au cours de notre pratique. Pendant la méditation, si le yogi se met à penser et qu'il ne note pas penser, penser, son attention va être interrompue et en conséquence, il ne pourra pas développer la concentration. L'empêchement du désir sensuel est en lui, il pense à toutes sortes de choses en rapport avec le désir sensuel. Son attention est interrompue. Son samadhi ne se développe plus et le samadhi ne se développant plus, il perd une occasion de développer la sagesse. Il est donc nécessaire que le yogi note attentivement ce désir sensuel, qu'il note pensée, pensée et qu'il revienne à l'abdomen lorsque ses pensées auront disparu. Il recommence à observer attentivement les mouvements de l'abdomen, de façon à ce que ces pensées sensuelles n'apparaissent plus dans son esprit. Donc, si vous constatez que votre esprit s'est mis à penser qu'il n'est plus sur l'abdomen, vous devez immédiatement noter cette pensée vagabonde. Si vous pensez à quelque chose concernant votre vie de tous les jours, vous devez noter penser, penser, vagabonder, vagabonder. Si vous rencontrez quelqu'un, rencontrer, rencontrer. Si vous imaginez quelque chose, vous devez noter « imaginez, imaginez ». Vous faites cela de façon très pénétrante. Et lorsque l'imagination a disparu, vous recommencez à observer les mouvements de l'abdomen. Ceci, c'est une très bonne façon de gérer les empêchements, de les évacuer de l'esprit. Il est donc indispensable que le méditant note ses pensées vagabondes parce que s'il ne le fait pas, il y aura des interruptions d'attention et en conséquence, le samadhi ne pourra pas se développer. Dans les Écritures, on compare cet esprit vagabond à un poisson qui se complairait dans l'eau. L'eau, c'est son élément naturel. Le poisson se réjouit dans l'eau, il aime être dans l'eau. Mais si on sort ce poisson de l'eau et qu'on le place sur la terre, il va s'agiter. Il ne sera pas heureux. C'est la même chose avec le yogi. Le yogi se complaît dans le monde des plaisirs sensuels. C'est sa nature. Il y est très à l'aise et recherche constamment ses plaisirs sensuels. Mais si on lui demande de ne plus rester dans les plaisirs sensuels, mais de noter ce désir, il va s'agiter. Les êtres humains ont tout naturellement tendance à rechercher les plaisirs sensuels, que ce soit des plaisirs mondains, comme par exemple les affaires, le commerce, ou des plaisirs familiaux, le désir d'être en famille, d'avoir de bons contacts avec ses amis, etc. L'être humain est toujours en quête de ce type de plaisir. Ceci est comparable au poisson qui ne se plaît que dans l'eau. Et donc, lorsque le yogi doit quitter ses imaginations, ses pensées sensuelles pour revenir à la pure observation, cela ne lui est pas naturel, il n'est pas heureux dans cet univers-là, il préférerait retourner dans les désirs, dans les plaisirs sensuels et penser à toutes sortes de choses agréables pour lui, que ce soit des choses concernant ses affaires, son business ou des choses toutes simples qui impliquent du plaisir sensuel. Il est alors comme ce poisson qu'on a retiré de l'eau, qu'on a mis sur la terre et qui s'agite, essayant désespérément de retourner dans le monde des plaisirs sensuels qui pour lui est l'eau. Les cinq empêchements, le premier étant le désir sensuel, sont des obstacles au développement de la vie sainte. Il s'agit donc du désir sensuel, de l'aversion, de la somnolence, de l'agitation et du doute. Si ces cinq empêchements sont présents dans l'esprit du méditant lorsqu'il pratique, il lui devient impossible d'accumuler les mérites liés à la pratique de vipassana. Ceci est comparable à l'eau qui passe à travers le filtre. Ce filtre va retenir les précieux mérites dus à la pratique de vipassana. Ces précieux mérites, ces actions méritoires, ne pourront pas porter de fruits, car le filtre les en empêche. Ces actions méritoires concernent surtout la pratique de samadhi et la pratique de panya, la concentration et la sagesse. Dana, la générosité, ne sera pas affectée par les empêchements. Elle va continuer à porter ses fruits. La pratique de sila non plus n'en sera pas affectée. Elle va continuer à porter ses fruits. Mais par contre, si les empêchements sont là au moment où ils pratiquent vipassana, ils vont empêcher le développement des mérites liés à cette pratique. Si le désir sensuel, le désir pour les richesses, pour les biens matériels, ou pour la vie elle-même, ou pour les affaires, etc., se manifeste dans l'esprit du méditant au moment où il pratique vipassana, il ne pourra pas progresser. Les nivarana sont des obstacles au progrès de vipassana. Ils sont symbolisés par le filtre à eau. Au cours de sa pratique de vipassana, le méditant sera très souvent envahi par ces obstacles, ces empêchements. Il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais son esprit s'envole régulièrement. Les empêchements, les nivaranas, les obstacles devront donc être évacués de l'esprit par la contemplation. Le méditant devra constamment en prendre conscience objectivement comme étant des états d'esprit négatifs et de cette façon, il pourra réussir à s'en débarrasser. ce désir sensuel qui se manifeste de façon répétée dans l'esprit est comparable au filtre à eau. Le méditant n'arrive pas à se concentrer, sa pratique n'est pas bonne, et ceci est tout simplement dû au fait qu'il est prisonnier de Kamachanda, le désir sensuel. Il faut donc qu'il l'évacue en le notant. Les yogis vont bientôt rentrer chez eux. La retraite est sur le point de se terminer. Et donc, ces yogis vont retourner tout naturellement au monde des plaisirs sensuels et ils se sentiront très heureux. Ils ne doivent plus faire l'effort de noter tout ce qui se manifeste en eux à chaque instant. Ils peuvent circuler librement dans le monde des plaisirs sensuels. Une fois rentré chez eux, le yogi se retrouve dans le monde des plaisirs sensuels. Et rien qu'à y penser, il se sent déjà libéré. Sayadaw en restera là pour aujourd'hui. Il n'a pas terminé son explication des empêchements et poursuivra cet enseignement lors du prochain Dhamma Talk. အိမ်ပြန်လွတ်မယ်ပေါ့အိမ်ပြန်လွတ်ရင်ဒါရေထဲပြန်ရောက်ရင်ဟောရေထဲမှာပြောတယ်ငါရေထဲပြန်ရောက်တော့ငြိမ်သွားတယ်လို့ပေါ့ယောဂီတွေလည်းအိမ်ပြန်လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအိမ်မှာပြောနေကြအောင်မှာပေါ့လို့ For today he said may you all be well and happy may you be able to practice the dhamma diligently asthe sutta has taught, and may you be able to attain the bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.